Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. Appendice, l'âge de pierre. L'âge de pierre a été ainsi nommé parce que l'homme, après sa déchéance, ne connaissant pas encore l'art d'extraire les métaux, en était réduit à n'employer que la pierre pour la fabrication de ses instruments et de ses armes. La pierre dont il se servait était le silex, vulgairement appelé pierre à fusil. On comprend ce choix. La dureté et le mode de cassure du silex se prêtent très facilement à la volonté de l'ouvrier. Il suffit d'un coup sec, appliqué adroitement, pour en détacher une lame tranchante pouvant servir de couteau et autres ustensiles. Bien que les formes de ces instruments de pierre soient très variables, on peut les rattacher toutes à un certain nombre de types dominants, qu'on retrouve d'ailleurs dans les contrées les plus diverses. D'abord simples et régulières, les haches en silex accusent peu à peu une entente meilleure des besoins auxquels elles doivent répondre. Ne dédaignons pas ces premiers essais de nos pères, ils marquent la date de la naissance de l'industrie et des arts. Le premier, dit Boucher de Perthes, qui frappa un caillou contre un autre, pour en régulariser la forme, donnait le premier coup de ciseau qui a fait la Minerve et tous les marbres du Parthénon. En même temps que l'on perfectionnait la taille du silex, on apprit à travailler le bois de renne et les os des animaux. Certains objets en os et en bois trouvés dans les cavernes du Périgord dénotent même une habileté manuelle fort remarquable. Ces différences d'exécution avaient fait admettre deux périodes successives dans l'âge de pierre. La première dit de la pierre taillée, la seconde de la pierre polie. À cette dernière division se rapporteraient les œuvres les mieux réussies, et, en particulier, celles qui représentent des figures d'animaux ou d'hommes. C'était là sans doute une distinction en apparence très fondée, et cependant les faits ont démontré qu'elle était beaucoup trop absolue, ces périodes empiétant les unes sur les autres. Ainsi, par exemple, on a découvert, en 1875, dans le petit village de Jordes, des instruments appartenant à la pierre taillée, à côté d'autres appartenant à la pierre polie provenant tous de la même fabrique. Les cavernes contenaient un très petit nombre d'ustensiles ayant pu servir à des usages domestiques, et encore, pour quelques-uns, leur véritable destination est-elle souvent contestable. En revanche, on en a retiré tout un arsenal d'armes les plus variées, soit pour tuer les grands herbivores destinés à l'alimentation, soit pour se défendre contre les carnassiers féroces. Parmi ces dernières armes, je citerai tout spécialement une mâchoire du grand tigre, animal qui était d'un tiers plus fort que le lion. La partie montante de cette mâchoire était disposée en forme de poignée, et la dent canine aiguë et proéminente qui la termine constituait le corps offensif de cette arme. Maniée par une main vigoureuse, ce devait être un engin fort redoutable, à en juger du moins par l'immense partie que Samson sut tirer d'une simple mâchoire d'âne, dans sa mémorable lutte contre les Philistins. Certains silex s'emmanchaient à angle droit entre les deux parties fendues d'un bâton, l'arme ressemblait ainsi, à la tame-tave, dont se servent encore aujourd'hui les sauvages de l'Amérique et les peuplades de l'Océanie. Enfin ces silex figuraient parfois une hache comme la nôtre, des projectiles de fronde, un casse-tête. Comme tout cela se trouvait entassé dans la même grotte, et que celle-ci ne représentait le plus souvent qu'une pièce unique, Il paraît assez naturel d'augurer que l'homme primitif devait être aussi peu soigneux de sa personne qu'il l'était de sa demeure. Cependant, tout donne à penser, au contraire, qu'il aimait à orner son corps de certains enjolivements que je n'hésite pas à appeler des parures. C'était, nous l'avons déjà dit, des coquilles enfilées les unes à la suite des autres, à l'aide d'un fil ou d'un poil d'animal, formant des colliers ou des bracelets de tout point semblables à ceux qu'on retrouve aujourd'hui chez certaines tribus sauvages. Qu'y a-t-il d'étonnant, du reste, à ce que l'homme moderne, que son isolement a maintenu en dehors du courant qui entraîne l'humanité, soit resté le gardien fidèle des coutumes et pratiques des temps primordiaux? Mais en voilà assez sur ce qui touche à la partie archéologique de l'âge de pierre. Parlons maintenant de la même époque envisagée au point de vue biblique et historique. On a paru s'étonner que Moïse n'ait rien dit de l'âge de pierre. Mais d'abord, nous ne saurions trop le répéter, la Bible n'est pas un traité complet d'archéologie, c'est bien plutôt le récit abrégé de la création et des principaux événements dont le monde a été le théâtre. Il suffirait donc, à la rigueur, que Moïse eût indiqué la déchéance de l'homme et les conséquences graves qui s'ensuivirent, sans qu'il dût entrer pour cela dans des détails sur sa nouvelle existence. Mais remarquez qu'il n'est nullement prouvé que l'historien sacré n'ait rien dit de l'âge de pierre. Sans doute il ne le nomme pas en toutes lettres, mais, ou je me trompe fort, on le désigne parfaitement dans le verset que voici. Tubal-Caïn le premier enseigna aux hommes l'art de travailler les reins et le fer. Note. De Tubal-Caïn la mythologie a fait Vulcain, à qui elle attribue également l'invention de l'art de travailler les métaux. Fin de la note. Qu'est-ce à dire? On ne connaissait donc pas avant Tubal-Caïn l'usage des métaux. Mais il s'est écoulé au moins 7 générations d'Adam à Tubal-Caïn, 7 générations de patriarches. Il a donc bien fallu que, pendant ce laps de temps, les pauvres humains usent des outils et des armes. Or, de quelles armes et de quels outils se sont-ils servis, sinon de ceux qu'ils avaient naturellement sous la main, par conséquent de la pierre? Si Moïse ne la désigne pas par son nom, c'est que la tradition était encore tellement présente à la mémoire de tous, qu'elle suppléait très bien à son silence. Raisonnons par analogie. Trouverait-on extraordinaire que, dans un livre qui traiterait de l'invention de la poudre et de la révolution qu'elle a opérée dans la guerre comme engin de destruction, l'auteur négligea de dire que l'arc et la fronde avaient précédé l'emploi des armes à feu? Moïse n'avait pas plus de motif de parler de la pierre. Signalons en passant combien est juste l'ordre dans lequel l'historien sacré indique la gradation des 2 métaux travaillés par Tubal-Caïn, les reins avant le fer. C'est qu'en effet, le fer étant beaucoup plus difficile à extraire que les reins, n'a dû être utilisé que plus tard. Et Ovid, car nous sommes accoutumés, pour tout ce qui touche de près ou de loin à la création, à rapprocher ses récits de ceux de Moïse. Ovid fait très nettement allusion à l'âge de pierre, seulement, fidèle cette fois au titre de son livre, des métamorphoses, il intervertit les rôles. Ce n'est pas l'homme qui transforme la pierre pour l'accommoder à ses usages, c'est la pierre elle-même qui se transforme en homme pour la propagation de notre espèce. Tel est l'épisode de Deucalion et de Pyrrha, les 2 époussements derrière eux des cailloux, qui revêtent peu à peu la figure humaine. Ainsi, dit le poète, dans un court espace de temps, la puissance des dieux changea en homme les pierres qu'un homme avait lancées, et renouvela par la main d'une femme la race féminine près de s'éteindre. Cette même tradition de l'âge de pierre se retrouve dans Lucrèce, non plus dissimulée sous le voile de l'allégorie, mais exprimée dans le langage positif que comportait le titre même de son livre, De la nature des choses. C'est que Lucrèce n'était pas seulement un poète éminent, c'était de plus un profond érudit. Je ne saurais résister au plaisir de citer l'admirable passage dans lequel il énumère les diverses phases qu'a dû traverser l'humanité pour atteindre le point culminant qu'elle occupe de nos jours. Les premières armes, dit-il, furent les mains, les ongles et les dents, ainsi que les pierres et les branches enlevées aux forêts, ensuite furent connues la flamme et le feu, plus tard on découvrit l'usage du fer et de l'airain, mais l'airain avait été connu et employé avant le fer. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNFFR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.